Cinquième partie, chapitre premier, deuxième section, la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi est une vertu surnaturelle infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle, appuyée sur l'autorité de Dieu même, nous croyons tout ce qu'il a révélé et qu'il nous propose de croire par son Église. Comment connaissons-nous les vérités révélées de Dieu ? Nous connaissons les vérités révélées de Dieu par l'intermédiaire de la Sainte Église, qui est infaillible, c'est-à-dire par l'intermédiaire du pape, successeur de Saint Pierre, et par l'intermédiaire des évêques, successeurs des apôtres, qui furent instruits par Jésus-Christ lui-même. Sommes-nous sûrs des choses que la Sainte Église nous enseigne ? Nous sommes absolument certains des choses que la Sainte Église nous enseigne, parce que Jésus-Christ a donné sa parole que l'Église ne se tromperait jamais. Par quel péché perd-on la foi ? On perd la foi par la négation ou le doute volontaire, quand l'objet n'en serait même qu'un seul des articles proposés à notre croyance. Comment recouvre-t-on la foi perdue ? On recouvre la foi perdue en se repentant du péché commis et en croyant de nouveau tout ce que croit la Sainte Église.